ciel, abandonné si profondément, sans merde grave évidemment, comme les enfants qui devenu grand-père dorment aujourd'hui 6 pieds sous terre. Les souvenirs, fuient les illusions, trop vouloir grandir, c'est un petit garçon. Des générations d'anniversaires grandissent le trésor tous les hivers. Facilement le temps d'avant, quand assis par terre et fabriquer leurs univers, où périssent les souvenirs, fuient les illusions, à trop vouloir grandir, c'est Dieu les petits garçons. Sèche ta morve et cache la misère. Ta nostalgie rose, à quoi ça sert? Lève la tête, fais semblant d'être content, écrase ton malheur écœurant, ça devient chiant. Quand tu te donnes l'air d'un chat noir derrière un cimetière, où périssent les souvenirs, fuient les illusions, à trop vouloir grandir, c'est Dieu les petits garçons.